Le théâtre populaire de juin 44 présente, dans une production de Maurice Bertrand, L'effet Glapion, une comédie de Jacques Audiberti, avec Jacqueline Gauthier, Robert Murzeau, Roger Crouzet, Valé Valdi et Anne Laurent, dans une réalisation de Roger Dattis. Monsieur Maurice Bertrand vous parle. Après Quat-Quat, L'effet Glapion est le second ouvrage d'Audiberti que juin 44 inscrit à son programme. La pièce fut représentée en septembre 59 au théâtre La Bruyère et tint l'affiche pendant de nombreuses soirées. Ne cherchez rien d'équilibré dans cette farce, dans ce divertissement ironique d'un tempérament qui se grise de la sonorité des mots et chez lequel le langage paraît parfois engendré et les personnages et l'action. Audiberti, le satirique, désireux de revigorer la dignité humaine, fait le procès des institutions sociales avec un feu d'artifice, d'allusions ou de symboles, allant parfois jusqu'à une sorte de délire verbal qui ne manque pas de grandeur. Poète et romancier, le réel pour lui va jusqu'au monstrueux, le rêve jusqu'au cauchemar, tandis que le dramaturge caustique, truculent, rappelle quelquefois Alfred Jarry, et a su imposer à la scène une forme nouvelle. Il a bousculé le vieux théâtre avec irrévérence, mais pour certains, ce révolutionnaire s'abuse lui-même. Ses plus violentes protestations, a-t-on dit, ses diatribes contre l'ordre du monde ou contre les conventions sociales, n'empêchent qu'on retrouve en lui la satisfaction entière et définitive de ceux qui, dès leur naissance, ont vu resplendir au soleil méditerranéen la gentillesse du cœur et les douceurs de la vie. Conscient de ses outrances, il les guide parfois avec art, et son habileté, son sens inné de la scène, donne à ses pièces un ton cocasse, inattendu, qui part d'une fantaisie nouvelle, des idées vieilles comme le monde. Nous ne devons pas ignorer ce qui est neuf, ce qui marque une étape dans l'évolution de l'esprit. Audiberti est un poète, et surtout un lyrique du théâtre. Ses trouvailles peuvent surprendre, mais son exubérance est sans calcul. Moraliste, il nous livre les bouillonnements de sa pensée et les tumultes de son âme sans hypocrisie. Et c'est cette probité dans l'original, cette sincérité dans l'anathème qui fait que l'œuvre d'Audiberti, oh, peut-être encore trop riche pour nous, défiera le temps et que son nom restera dans l'histoire du théâtre. Lundi prochain, pour commémorer le centenaire de la naissance du dramaturge allemand Gérard Hauptmann, juin 44 vous présentera une de ses œuvres les plus populaires, le voiturier Henschel, scène de la vie paysanne. Et maintenant, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, je vous dis bonsoir. L'action se déroule à la fin d'un dimanche après-midi à Orléans, dans l'appartement du docteur Blaise Agrichan. D'après le Républicain d'Orléans, les astronomes viennent de découvrir sur la planète Vénus des montagnes de goldium. De goldium ? Oui. Chaque jour, on vous sort du nouveau, comme s'il n'y avait pas assez de tous ces électrons qu'il faut s'introduire dans le citron. L'homme le plus intelligent... Oh. Bien qu'officier presque supérieur, je ne parle pas forcément de moi. Notez, l'homme le plus intelligent. Capitaine, vous dînez avec nous. Oh, ce serait avec le plus vif plaisir, chère madame, mais vraiment, je craindrais d'abuser. Mais non, mon vieux, mais non, entre nous, vous le savez, c'est tout à fait sans façon. Oh, laissez-vous faire, nous avons du homard nivernais et du chevreuil cuit dans le Malaga. En présence de tels arguments. D'ailleurs, ce soir, nous célébrons un anniversaire qui nous tient à cœur. Ah. N'est-ce pas, chérie? Ah, je pense bien. Il y a 12 mois, jour pour jour, la princesse Augusta est venue à Orléans. Vous vous rappelez ? Alors, si je me rappelle, 2000 gendarmes à nourrir et à loger. 2000 sans compter les hussards. Des hussards étrangers, pas français. Nous, dimanche, nous ne l'oublierons jamais. Pensez, c'est alors que nous avons décidé de nous marier. On se met à table dans 5 minutes. Blaise, mon amour, tu sers l'apéritif ? Oui, oui. Vermouth, vodka, whisky ? Whisky. Un doigt. Même l'homme le plus intelligent, je vous disais. Comment voulez-vous qu'il se tienne au courant, ne serait-ce que de ce qui concerne l'espace ? les hommes de votre espèce... Si. Représentent la raison antique et la civilité française. Oh. Avec Madame de Sévigné pour mère et pour père Platon et aussi Jules César, vous n'allez pas vous abrutir à mesurer la distance entre le Cap Carnaval et les fesses de Vénus. Maintenant, si vous cherchez une amusette, une manie, la psychologie vous procure à peu de frais de quoi vous exciter l'esprit. Vous dites ? La psychologie. Et dans ce domaine, l'effet Glapion règne en souverain. Tout à fait entre nous, je n'ai jamais pu savoir jusqu'au fond, jusqu'au trognant, ce que c'est l'effet Glapion. Je lève la main sur vous, qu'est-ce que vous avez à dire ? Prenez garde, en cas de gifle, l'amitié ne joue plus. Je ne me laisserai point caloter, surtout que je suis en tenue. Doucement. Je peux vouloir, de votre épaule militaire, ôter un long cheveu de blonde. Ou encore, faire signe à ma femme derrière vous, là-bas. Donc, attendez la fin de mon geste pour en connaître le sens. Non, mais l'effet Glapion, là-dedans, où est-il ? Je me tue à vous l'expliquer. La vie est faite d'illusions. Certaines réussissent, celles-là constituent la réalité. Diable ! Vous n'avez jamais le sentiment bouleversant d'être en train de vivre ce que vous avez déjà vécu ? C'est curieux, ça m'est arrivé. Ah, et que de fois il nous advient de tomber, au tournant d'une rue, sur un ami qu'une seconde auparavant, nous avons cru bel et bien voir sous les traits d'un inconnu. Tenez, avant-hier ! Ces phénomènes qui mettent en cause le temps lui-même. Creusez-les. Dans chacun d'eux, vous découvrirez l'effet Glapion. Nous sommes à Orléans, 83 000 habitants. En ce moment, la ville se réjouit. C'est aujourd'hui, en effet, que la princesse Augusta de la Merlingue, dans la gloire vivante de sa virginale jeunesse, visite Orléans. La ville déborde d'une allégresse qui frise la folie. C'est pas de la blague. Tiens, la fille de l'épicier, celle qu'on avait choisie pour faire Jeanne d'Arc dans le cortège. Elle a tellement le trac qu'elle grelotte dans son armure. Finalement, c'est son cousin qui la remplace. Comme Pucelle. Enfin, il a les cheveux courts, c'est toujours ça. Oh, et puis, les gens ont passé la nuit sur les branches des platanes pour ne rien manquer. La police les a fait descendre à coups de pierre. Qu'est-ce que tu veux ? La princesse Augusta de la Merlingue. Ici, à Orléans, on a le droit de perdre la boule. Bonjour, bonjour. Le docteur n'est pas là. Le docteur est à la chasse. Tiens. Je vous le certifie. Il ne rentrera que demain. Oh, la chasse, nous devions y aller ensemble avec d'autres copains. Mais l'événement historique l'emportant sur l'agrément particulier, un enfant à la mamelle saisirait lui-même qu'à cause de tout ce bazar sur les bras, princesse et compagnie, je ne pouvais point me carapater dans la nature. D'autant que le banditisme normal, aussi dépourvu d'élégance et de délicatesse que pétri de vices et d'astuces, n'autorise guère la maréchaussée à s'absorber tout entière dans les attentats politiques pour les prévenir sans temps, les prévenir et les réprimer. En pleine avenue Jeanne d'Arc, à deux pas de chez vous, une fourconnette de la compagnie du celluloïde fut attaquée ce matin par un malfaiteur armé. Ce salopard contraignit les occupants, ceux de la fourgonnette, à lui remettre 11 500 000 francs. 11 500 000 francs ? Eh oui ! Le salaire du personnel. Incroyable comme culot ! Tout porte à croire que l'auteur du coup de main n'est autre que le fameux bandit toulonnais Gilly dit l'intraitable. À Orléans, depuis hier, nous avons 2000 gendarmes, sans compter les hussards de la princesse. Il n'en opéra pas moins, en plein centre, en plein jour. Oh, ce Gilly, je le crois capable de tout. Oui, ben écoutez. Votre patron n'est pas là, qu'est-ce qu'on risque ? Allez, un baiser. Vous m'ennuyez. Sérieuse, alors ? Vis-à-vis de mon machin printanier, certes, je le déplore. Pour le docteur, duquel je me vante d'être l'ami, je m'en félicite. Et puis, malgré tout, que vous soyez à cheval, comme on dit, ça nous crée une parenté. Et je relève comme tous les gendarmes de la direction de la cavalerie. Si bien que, vous me croirez si vous voulez, en plus d'un vélomoteur, je touche des éperons. Ne me reconduisez point, les lieux me sont familiers. Oh, Blaise. Blaise, j'ai peur. J'ai peur de ma solitude. J'ai peur que l'aile noire étouffe le fil bleu. Oh, réponds. Réponds-moi. Réponds que tu es là. Le capitaine de gendarmerie vient de venir. D'une solidité. D'une pesanteur. Il voulait profiter de votre absence, car vous êtes à la chasse. Il faudrait que je m'y fasse. Vous ne rentrerez que demain. Vous m'avez dit... Je prends la carabine à percuteur indépendant. Elle m'encombrera moins que le calibre long. En cette saison, le gibier se tire à bout portant. Quant à vous, ma petite, ne restez pas enfermée toute la journée. C'est ce que vous m'avez dit. Vos moindres phrases, je me détraque. Je me tue à les ruminer. L'idiote, l'idiote, l'idiote! Je l'appelle Blaise. Rien que pour moi. Mais de lui, qu'est-ce que j'ai? Pas un signe. Pas un regard. Pas un contact. Le vide. Le néant. Tiens, la radio, quand il n'est pas là, je crois toujours qu'il va s'en servir pour me rassurer, pour me consoler. Mais cette sale radio, ce que j'y gagne à l'écouter, c'est une crise de foi régulièrement. Ben oui, toutes ces histoires qui vous travaillent le cerveau. Où casserole va? Oh, qu'est-ce que c'est? Un message de toi, Blaise, mon chéri. Oh, ne pas oublier l'eau minérale. Ne pas oublier l'eau minérale. L'existence, quelle escroquerie. Ton écriture, pourtant. Autoritaire, pour sûr. Mais la douceur de ces courbes, leur douceur, leur timidité. Ne pas oublier l'eau minérale. Savoir ce qui serpente et brille là-dessous. Le langage des syllabes diffère de celui des mots. L'eau mi. L'eau mimi. L'eau miné. L'eau minéra. N'oubliez pas. Ne pas oublier. Oh, ne pas oublier. Mais comment veux-tu que je t'oublie? Hein? Et toi? Toi, comment pourrais-tu m'oublier? Oh, pardonne-moi d'avoir douté. Oh, chérie. Oh, chérie! Oh, vite, viens! Viens! Je suis là. Calme-toi, je suis là. Oh, j'avais tellement peur que tu ne sois pas là. Oh, j'ai cru tout d'un coup que nous étions l'an dernier. Tiens, je viens de développer le coiffeur. Tu vois, ces plages claires signifient que les vertèbres cervicales se mettent à se déglinguer. Mm-hmm. Un de ces jours, le malheureux va crier par les oreilles. Demain, je le colle là-dessus, sur cette table. Je lui tire la colonne. Ah, et ça, qui c'est? La femme de la poste. À force de donner des coups de tampon, elle se luxe à l'atlas. Ici, là. Ah oui. D'où cette crampe qu'elle a dans les doigts. Nous la machinerons, elle aussi. Oh, ça rend, hein? Ouais. Non, mais ça rend. Écoute, incroyable cette table bleue qu'elle fait. Ouais. De Tours, d'Angers, de Poitiers, non, même de Chartres. Ouais. Non, mais tous, ils rappliquent chez nous, tous. De La Rochelle à Châtellerault. Oh, les premiers temps, pourtant, on manquait de culot. Tu te souviens? Mais les malades, qu'est-ce qu'ils demandent? Que tu les machines, que tu les endormes, que tu les trifouilles. Ben, Monique, tu m'écoutes? Je t'écoute toujours. Qu'est-ce que je viens de te dire? Monique, tu m'écoutes? Non, il va. Dis chérie, tu veux ranger la femme de la poste et le coiffeur séparément? Ah bon? Ne les laisse pas l'un contre l'autre, ils seraient capables de s'anastomoser. Mais les classeurs débordent. Nous finirons par avoir tous les départements. Oh, regarde! Oh, la garde-me donc, ma cousine André. Moi, qu'est-ce qu'elle fiche ici? Elle date de mon vieil appareil. Tu sais, celui des puces de la porte d'Italie. Ah, oui. Je l'avais quand je suis venue à Orléans. Il y a un an. Je te proposais de monter une clinique d'intoxication. Une clinique d'intoxication? Mais qu'est-ce que c'est que cette couillonnade? Oh, divinement. Cette table marche divinement. Elle est debout, cocotte, debout. Elle bascule, elle circule, nous sommes parés, suivez-moi. Oui, docteur. Les clients, primo, je les radiographie. Ils ont leur squelette en 4 minutes. 4, aussi vite qu'un photomaton. Et qu'ils y mettent le prix, je les passe au spectroscope. Histoire de me régaler du feu d'artifice en couleur de leur profonde chimie cellulaire. Ensuite, s'il y a lieu, je les étale sur cette table. La bonne femme loge sa tête là, ses fesses là, dans les cavités. Pourquoi la bonne femme ? Ben, la bonne femme ou le bonhomme. Ah oui. Les deux sexes peuvent avoir mal dans le dos. Oh, ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, dites-moi ? Que vous les plotiez, que vous les froufroutiez. Les dentistes l'ont compris, à cela. Vous allez chez le dentiste. Ni une ni deux, sans vous regarder, sans vous écouter, il vous ordonne de l'ouvrir, la bouche. Et d'une manière ou d'une autre, il s'arrange pour vous amuser. Elle marche comment ? Bon, une sorbetière, une machine à laver. Quoi ? Sur le secteur, quoi. Ah. Alors une fois la... la personne couchée à plat, je presse sur le bouton rouge, celui de gauche. Autour du cou, du ventre, des bras, des pieds, les sangles automatiques s'ajustent sans le moindre bruit, façon tourne-disque. Je presse maintenant sur l'autre bouton. Le crème. Le crème, oui. Que se passe-t-il ? Je ne sais pas. Les panneaux de la table s'écartent en coulissant tout doux, tout doux, tout doucement. De ce fait, les vertèbres vont se disjoignant petit à petit. 1 centimètre, 2 centimètres, 3. 3,2, 3,3, libérant de la sorte les filaments nerveux qu'elle coinçait. Oh, et alors ? Alors ? Eh bien, les réflexes redeviennent normaux, normalement. Le rhumatisme détale à fond de train, espérons-le. Remarquez, si le traitement mécanique est chaud, rien ne m'interdit de recourir aux antiques recettes. Oui, la tisane, la moutarde, la flanelle. L'électrothérapie, parfaitement. La bonne femme, ah. ou le bonhomme, je lui balance une dérouillée bien juteuse de quoi lui régulariser le sympathique. À l'époque actuelle, le sympathique qui fait l'andouille, le mal, souvent, vient de là. Mais alors, dans ce cas, sur lequel vous pressez de boutons, docteur ? C'est ici qu'entre en scène le circuit galvanique autonome. On le règle au moyen d'une manette spéciale, la clé de Courtade. La clé de qui ? De Courtade, la clé de Courtade, le nom du fabricant. Ah. Et où est-ce que je l'ai foutue, celle-là ? En tout cas, il faut prendre bien garde à ne pas mélanger les deux courants. Ah bon, qu'est-ce qui arriverait ? Ah, du pas banal, pour sûr. Allongée par-ci, chatouillée par-là, la cliente déménagerait, elle délirerait, elle sortirait d'elle-même. Ah oui, elle verrait le monde avec étrangeté. Probablement. Mais il faut que je la trouve, cette bon sang de clé. Oh, tout va mal, tout va mal. Quand je pense que je me suis collé 9 millions de dettes sur les reins, est-ce qu'on bouffera demain ? La table nous fera manger. Bah, pour le moment, elle dévore. Ma dernière monnaie fila dans le pourboire aux ouvriers qui l'ont installée. Enfin, oui ou non, est-elle capable de guérir les malades ? Mais comment le savoir ? On l'a livrée hier. Guérir ? Je ne suis pas guérisseur, je suis médecin. Je me demande où est-ce que j'ai bien pu la fourrer, cette docteur, clé. Docteur, docteur, écoutez-moi. Mon dada du dedans, ce seraient vos épines dorsales, vos colonnes vertébrales, que vous les laissiez tomber, sous le rapport médical, évidemment. Je ne comprends pas. Nous conserverions le local, remarquez, le local, les appareils. Et à la place, nous monterions une clinique d'intoxication. Une clinique d'intoxication ? Mais qu'est-ce que c'est que cette couillonnade ? Une lacune à combler, docteur. La fortune, en tout cas, garantie sur papier timbré. Les malades veulent guérir. C'est leur affaire, ça, hein, des goûts et des couleurs. Mais les pas malades, les bien portants, qu'est-ce qu'ils veulent ? Je répondez. Sais pas. Le succès, le bonheur, le triomphe. D'ailleurs, tous au fond, hein, quoi donc nous chatouille, nous excite, nous stimule. L'espoir de changer de peau. Par exemple, une femme, la première venue, une boulangère, une charcutière, elle se fourre dans le crâne de devenir, je ne sais pas moi, dramaturge, philosophe, critique d'art. Bon, elle s'amène à la clinique. Elle supplie que vous l'empoisonniez. Non, non, non, non. Non, que vous l'intoxiquiez, si vous aimez mieux, que vous l'intoxiquiez à la littérature. Vous l'étendez sur cette mignonne. Tout en la rallongeant, vous lui commandez de se concentrer, de penser à Chateaubriand, à Michelet, à qui encore déjà, Walter Scott, à Agrippa d'Aubigné, les cracks, quoi, les meilleurs. Pour qu'elle déraille à 100%, vous lui lâchez le courant galvanique. La clé, je l'ai retrouvée. La séance terminée, notre charcutière saute sur son bic, mais dans l'année, elle décroche le Goncourt. Infantile, ridicule, infantile, enfantin. Mais pour qu'il marche, votre système, il faudrait un minimum de rigueur scientifique, un minimum. Tiens, pour rester dans cette hypothèse loufoque... Oui. Supposons que j'ai à traiter un homme mûr, la cinquantaine. Lui, son penchant obnubilé, c'est l'athlétisme, le ring, le catch, le rugby. Oui. Eh bien, je n'hésite pas. je te lui place sur les fesses deux électrodes reliées au poste de radio, de façon à lui seringuer dans la masse musculaire en direct le compte rendu d'un match. Au besoin, j'intercale un amplificateur. Et notre cinquantenaire, il court se faire inscrire pour les Jeux Olympiques. La clinique, on la monte alors, d'accord? Assez! Je n'aime pas qu'on aille trop loin dans la foutaise. Il est 2 heures, supposez qu'une visite se présente. Un dimanche, à Orléans, le jour où la princesse Augusta vient en chair et en os paraffer les accords financiers relatifs au grand marché particulier dans le cadre du petit marché commun. Commun ou pas, les clients à partir de 2 heures sont ici chez eux. Mais vous m'expédiez si j'interprète correctement? Mais je vous rappelle que c'est l'heure où je reçois. Mais où voulez-vous qu'elle aille, l'hirondelle matraquée? Mais dans votre chambre. Ma chambre. Ma cage, plutôt. Enfin, j'ai dit votre chambre comme j'aurais dit la mienne. La vôtre? Vraiment? La vôtre, la mienne, la nôtre, la leur, allez dégager. Oh, mais j'y gratterai quoi dans cette chambre? Vous dormirez. Pour avoir des cauchemars? Ma merci. Eh bien, lisez, tapez dans la bibliothèque. Moi, les bouquins? Oh, la cervelle me chauffe rien que de les regarder. Du peuple en masse pour les écrire, les bouquins, pour les imprimer, pour les relier, pour les acheter. Comme corvée, ça suffit. Oui, dans les bouquins, il y a des trucs pas mal du tout. Oh, mon œil, bah tenez. Le premier venu, je l'ouvre au hasard. Maurice Soudiard et Basile Tatas. Non mais, Tatas. Un grec, comme Aristote, comme Platon. Oui, enfin. Manuel de psychologie appliquée. Ah ben, décidément, sans les manuels, les intellectuels s'en sortiraient pas. Alors, page 43, hein, au hasard toujours. L'effet Glapion. Qu'est-ce que c'est que ça? L'effet Glapion. Décrit pour la première fois par le professeur Émile Glapion, consiste dans l'usufruit d'une donnée concrète objective par la logique visionnaire subjective. Du grec aussi, ça. Oh non, ça vous va mal, ma petite, je vous assure, d'essayer de mettre en boîte le fondateur de toute la philosophie pathologique contemporaine. Le génie d'Émile Glapion élucida définitivement le mécanisme affectif de notre cérébralité, si bien que son nom donna naissance à un verbe, le verbe glapionner. Tu glapionnes, je glapionne. Et tous, à longueur d'année, tous, nous glapionnons. Et on s'y prend comment pour glapionner? Eh bien, un exemple vous fera saisir. Tenez, un homme. Une femme lui tape dans l'œil. Elle est bien faite. Elle est bien foutue. Oui. Aussitôt, dans une indissoluble synthèse de réel et d'irréel, à l'intérieur du sujet, se déroule une série, une sarabande de clichés cohérents dont cette femme, une étoile filante, constitue le prétexte, l'aliment, le carburant. Bref, le type glapionne. Vous l'avez dit. Dites-moi, c'est un peu grivois. Hein? Vous êtes folle! Émile Glapion enseignait à Québec. Oh, alors, vous avez mal compris. Toutes les rencontres, toutes les incidences... Non, point dans l'unique secteur glandulaire. Toutes les rencontres, toutes les incidences sont susceptibles de déterminer l'effet glapion, celui-ci tantôt sournois, tantôt fulgurant, irrémissible de toute façon. Un autre exemple? Bon, si vous voulez. Une personne détient un billet de loterie. Elle en connaît les numéros par cœur. Elle tombe dans le journal sur ces mêmes numéros. Qu'aperçoit-elle alors dans une brume étincelante où frémissent de joie les signes imprimés? Répondez. Ce qu'elle aperçoit? Bah, les voitures, cette idée, les maisons, les toilettes, Deauville, Pompéi, la rigolade. Tout ce qu'elle va s'envoyer comme promenade des Anglais. Vous-même, on sonne. On a sonné? Bah, moi qui d'habitude entends tout. Mais non, mais restez donc tranquille. On sonne. Eh ben, mais je suppose. Ah oui, bon. Vous ouvrez. Vous vous trouvez devant une personne qui vous frappe par je ne sais quoi d'inattendu, de curieux. À partir de cette apparence, vous dévidez tout un roman énorme, instantané, délirant. Effet glapion. Arrêtez. Effet glapion. Arrêtez. Effet glapion. Pour me résumer, la vie est faite d'illusions. Parmi ces illusions, certaines réussissent. Ce sont celles qui constituent la réalité. Oui. Eh ben, la philo, la folie, moi. Bah, si vous ne dormez pas, si vous ne lisez pas, sortez. Sortez. Oh, mon amour. Tu me conçois toute seule en train d'exécuter 4 fois le tour de la cathédrale. Sans compter que pour ce qui est du tour de la cathédrale aujourd'hui, ceinture. Sous prétexte qu'on reçoit la princesse Augusta, la ville entière regorge de drapeaux, d'orchestres, de soldats. Oh, l'hymne royal hurle tous les 10 mètres. Je dois pas être comme tout le monde. Ce cantique, j'arrive pas à le digérer. Je suis sur la terre pour me supporter. chaque matin. Deux doigts de fond de teint. Et tout ce bleu que je me colle autour des yeux. Ah, tu n'as pas fait la bonne affaire en me prenant pour secrétaire. Maintenant, j'aurai le ménage à m'occuper, je me porterai mieux. Mais avec cette bonne que nous avons, comment veux-tu? Elle fait tout, tout. Ah, pour ça, on est bien tombés. Elle croit que l'eau sale, c'est la grande bleue à jouer les pains. Et avec ça, un seul idéal, le travail. Et son jour de congé, qu'elle passe dans la cuisine, la malheureuse, sous prétexte qu'un client peut toujours s'amener. Et sans elle, la porte, ah, qui sait qui l'ouvrirait? D'ailleurs, nous avons le même prénom, Augusta. Il ne court pas les rues. Monique ! Moi, tu m'appelles Monique, pour ne pas toutes les deux nous embrouiller. Monique est plus tendre qu'Augusta ? Plus tendre ? Plus hebdomadaire féminin, oui. Plus comment réussir les escalopes panées ? Comment se laver la tête avec du citron et du jaune d'œuf ? Comment... Non, gémissez donc pas. Ce soir, nous dînons chez le préfet. Vous verrez la princesse. Vous la verrez. Et la princesse, elle me verra ? Mais nous serons noyés dans un tas de percepteurs, de contrôleurs, de magistrats, sans oublier votre ami, ah, le capitaine de gendarmerie, chacun flanqué de sa moitié, tous avec des bagues de mariage, là, comme des bouées de sauvetage. J'irai pas. En somme, ce qui vous chiffonne, c'est... Quoi? Oh, c'est quoi? Oh, dites-moi vite. Je vous en conjure. Je brûle, moi, je brûle. C'est que je ne vous ai pas encore épousé. Vous m'en tenez rigueur. Mais que voulez-vous, on ne peut pas tout mener de front, s'installer, se marier. Un jour viendra-t-il? Un jour? Chaque jour vient à son tour. Je vous promets d'étudier le problème. Je vous le promets. Comptez sur moi. Au bon sang, les clients, sauvez-vous. Vous n'avez pas dit ce que je dois faire. Mais de la pâtisserie, faites de la pâtisserie. Oh, de la pâtisserie, c'est malin. Orléans est pourri pâtissier. Ouais, bon, filez par là. Oh non, dites-moi, dites-moi. L'effet glapion. L'effet glapion consiste dans l'usufruit d'une donnée concrète objective par la logique visionnaire subjective. Vous ouvrez, vous vous trouvez devant une personne qui vous frappe par je ne sais quoi, d'inattendu, de curieux. Quel affreux temps! Le ciel pleut, le soleil. Quand il pleut, mes rhumatismes, je me dis, c'est de la pluie. Mais sitôt qu'il fait beau, comme aujourd'hui, plus moyen de m'en raconter. Je me les ai, je me les garderai. Les rhumatismes cherchent le cœur. Quand ils ne touchent pas le cœur, vous allez, vous venez. Les gens ne se doutent pas de ce que vous endurez. Je les déteste, moi, ces maladies qui ne vous empêchent point de tomber malade. Vu qu'en même temps que les rhumatismes, vous pouvez attraper la grippe, l'appendicite, la prostate et ce qui vous chantera. Drogue, pilule, pastille, j'ai tout essayé, tout. On mettrait sur le flanc la paroisse tout entière avec ce que j'ai dû m'enfourner. Et les médecins, j'en ai fait aller, j'en ai fait. Celui-là, comment s'appelle-t-il déjà? La mémoire, moi? Agrichan. Agrichan. Oui, le docteur Blaise Agrichan. Agrichan, on passe, c'est un spécialiste. Il prend combien? Combien? Oui. Combien il prend? 2000, je crois. Oh, il va me faire déshabiller, je les connais. Tout enlevé de A jusqu'à Z et de Z jusqu'à Y. Même ma peau de chat, couverte comme je suis, ça n'est pas une sinécure. Total, je lui lâche 2000 francs. Si seulement il me soulageait. Vous pensez, les rhumatismes, c'est de l'eau, oui, de l'eau qu'on charrie dans le sang. Sur les bords de la Loire, ils sont à leur affaire. Un nez d'artilleur, il a, lui, le docteur, de choisir Orléans pour y monter un cabinet. vous êtes, cela m'aurait étonné. Détonné. Détonné. D'ailleurs, nous sommes entre femmes. Quand une de votre âge va au docteur, on se doute bien où est le nid, je l'ai raison. 2 000 francs. À ce tarif, il peut s'offrir des cadres modernes style. C'est un Van Gogh, n'est-ce pas? Parfaitement, vous êtes forte en peinture. Il y a le même en vitrine à Monoprix. C'est pourquoi... Il me reçoit, le docteur. Vous êtes sa femme. Le docteur est à la chasse. Il ne rentrera que demain. Voulez-vous me laisser votre nom? Oh, dites, ma petite poêle, regardez-moi ça, si c'est mignon. Vous avez l'air de vous y connaître drôlement. Si vous m'examiniez, allez-y, n'ayez pas peur. Demandez-moi tout. Quel âge vous avez? Ah, une seconde. Étant donné que je suis veuve, 60 ans. Qu'est-ce qui faisait votre mari? Mon mari, ce qu'il faisait? Oui. Oh, ben ce qu'ils font tous, la barbe fondue, la pantoufle à quatre, la grenouille fourrée, et surtout dans les débuts, la cavalcade du Béarnais. Mais il y a tant de temps. Pauvre Lucien, aimant, attentionné. Oui, mais enfin, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Ah, il était dans les perpendiculaires. Les perpendiculaires? Les contributions directes, quoi? N'allez pas les confondre avec les diagonales, les indirectes, si vous préférez. D'elles, nous vivions pour essayer de consoler ceux qui en crèvent. Tout cela est à présent, je tiens mon chez-moi, place des Pertuisaniers. Et votre mal? Il vous tient où ça, votre mal? Là, sous le chignon. Et de là, tout le long du serpent. Et puis là, oh là, ce que c'est sensible. Et aussi là. Et de là, ça remonte par là, dans les racines des dents. Bon, qu'est-ce qui vous tourmente? L'idée que vous les avez? Non, mais je parle des rhumatismes. Moi, je serais vous, j'en prendrais mon parti. Place des Pertuisaniers, je rentrerai me coucher. N'oubliez pas de prendre de l'aspirine en passant. Oh, par exemple, elle se croit de me bouter dehors, présomptueuse. Tâtez un peu voir mon bras, tâtez par plaisir, du bronze chromé. Non, allez-vous-en, partez. Le docteur est à la chasse. Mais... Non, non, je ne veux pas glapionner. Je ne veux pas glapionner. Glapionner. Monique, vous ne devez pas envoyer les visites. Venez, madame, par ici. Dans Orléans, où l'arrivée imminente de la princesse Augusta met une animation extraordinaire, les recherches en vue de retrouver l'audacieux auteur de l'attaque à main armée de l'avenue Jeanne d'Arc se poursuivent sans désemparer. La police a de bonnes raisons de penser que le malfaiteur n'a pas quitté la ville. Docteur, c'est clair l'argent que je tire. Ben, mais je vous préviens, ça fera du bruit. Des clous, tout le monde croira que votre transformateur, il continue à pétarader. Alors, cet argent? Vous en avez de bonnes, vous. D'où sortez-vous? Vous vous imaginez que les citoyens gardent leurs billets chez eux? Vous me prenez pour qui? Pour un banquier? Sauf ce qu'il faut chaque matin pour le marché, les timbres et les journaux, ben, je n'ai pas de liquide ici, zéro. Je compte jusqu'à 3. Ben, mais c'est tout, votre bagage intellectuel, vous n'irez pas loin. 1. Mais toi, je te remets! Quoi? Tout à l'heure, sous ta défroque de grand-mère, j'hésitais. Blague dans le coin, ton numéro? La place des Pertuisaniers, les diagonales, les perpendiculaires, chapeau. À présent, je te remets, Robert. Je ne m'appelle pas Robert. Bien sûr que tu t'appelles pas Robert. Mais c'est pas Robert que je te connais. Quel Robert? Celui de Bercy? Quel autre tu veux? Je le savais que tu finirais par t'annoncer, pas trop tôt, pas trop tard, juste le moment. Quand je pense que ça fait 3 mois que je me supporte près de cet oiseau-là. Monique! Je vous autorise pas. Monique! Alors vous pensiez que c'était pour vos beaux yeux, mes vertes prunelles, mes lourdes paupières? Vous t'habilliez que ça durerait comme ça jusqu'à la Saint-Ferdinand d'Éterne, la gentillesse, la psychologie, la cathédrale d'Orléans, dans un bled où les grands films s'amènent 20 ans après? Finissons, l'argent, où est l'argent? L'argent! Les anneaux de fiançailles, l'or des grands-parents de Nancy, les diamants de Tante Martin, les titres de Monaco, tout le crottin rupin de la famille se trouve là, derrière le Van Gogh. Ils font péter de faim, Van Gogh. Mais ils servent de lui pour le camoufler, leur sale pognon. Allez, la clé du coffre, docteur. Il la porte toujours sur lui, avec les autres clés, voiture, boîte postale, dans la poche bâbord arrière du pantalon. Merci. Et toi, le pote à Robert, le quitte pas d'un œil, hein. Les médecins, il n'y a pas plus renard. Un moment, vous, la fille. Le pote à Robert, ça vaut la barbe à papa, ça signifie pouic. J'en connais bien un de Robert, mais à Poissy, pas à Bercy. Puisque vous êtes si renseigné, dites-moi un peu qui je suis. Devant lui? Je vais me fâcher, je suis qui? Gilly, naturellement. Vous pouviez répondre plus mal. Allez, perdons pas de temps. Je grimpe sur le fauteuil. Oh zut, crotte, flûte, je suis trop petite. Toi, l'intraitable, l'indémaillable. Gilly, monte-toi. Allez, tiens, les clés, chope-les. Ouais. Voilà, c'est celle-là. Alors, juste un tour de gauche à droite sans forcer. Oui. Oh, écoute, ton arbalète t'embarrasse. En voilà. Allez, maintenant, descendez. Dépêchez-vous. Jetez les clés. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous cloue dans le mur. Tant pis pour leurs vêtements. À l'eau de Javel, je les civerai. Blaise, mon chéri, mon amour, sors du champ de tir. Sauterelle enfielée, poutine, morue, je te rattraperai, je te le ferai saigner, moi, ton minois sucré. Ne criez pas si la bonne vous entend, tant pis pour vous. Bien joué, toi. Une seconde, je me suis demandé si vraiment, quelle comédienne. Oh, mon amour. Lui, qu'est-ce qu'on en fait? Attachons-le d'abord sur la table. Reculez. Encore deux pas. Là. Oui, le métal est peut-être un peu froid. Placez-vous sur le dos. Posez votre tête dans la cavité. Détendez-vous. Là, les membres parallèles. La pointe des pieds vers l'extérieur, comme les danseurs. Doucement. Ne vous agitez pas, je vous attache. Oh, ça marche divinement. Je protesterai, vous m'écouterez klaxonner. Maître Bankaïd, passez-moi Maître Bankaïd, l'avocat. Je vous attaquerai. C'est déjà fait. Vous m'avez menacé d'une arme à feu chez moi. Je suis dans ma ligne. Je tue, j'assassine. Mais vous n'avez pas le droit de me violer. Vous infectez la médecine. À propos, cette sarbacane, il persiste donc à s'en fabriquer? On ne connaît pas encore dans votre milieu les tubes nécrogènes fulgurants silencieux? Tous les explorateurs qui vont dans la Lune en sont munis. Maman, elle me tourne. J'alerterai mon consulat. Votre consulat? Le consulat de la police, le commissariat. Dans un cas de cette espèce, la police est avec moi. À cause que vous vous foutez d'elle en ce moment. Vous mordez sur les agents. Ah, de première. Mais de première numéro un, Blaise, Blaiseau. On laisse que je t'en fasse un gros sur chaque joue. Voyez, sur le front, pas de jaloux. Ah, un comme toi. Mais on aurait beau chercher, fouiller, déterrer la terre et crémer la mer. Jamais. Oh. Oh non, jamais. Mais pousser la prévenant jusqu'à m'organiser un opéra figuratif, dialoguer, costumer, à la maison, à seule fin de me distraire, pendant que tous ces imbéciles courent après leur princesse. Ah, l'hymne royal, vous entendez? Oh, j'en suis touchée, émue, bouleversée. Mais sincèrement... Non, je peux bien te l'avouer, mon amour. Jusqu'à l'heure actuelle, j'avais, comment dirais-je, un doute, un soupçon. C'est vrai? Je me demandais si tu ne me plottais pas pour faire comme tout le monde. Non, que tout le monde m'ait plotté, loin de là, quelle horreur. Mais parce qu'il arrive un moment que les hommes sont obligés de vous plotter. La thermodynamique l'exigeant. Alors n'importe laquelle, hop, en avant. Oh, mais à présent, quand je découvre ce que tu es capable d'inventer pour moi... Ce scénario, ce dur en mie de pain. Oh, merci. Quoi, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est un inspecteur, n'est-ce pas? Je le reconnais. Le capitaine de gendarmerie te l'a prêté. Oh, bravo, monsieur. Sincèrement, bravo. Inspecteur, elle a dit! Si j'aurais pas les bracelets en 1000 morceaux, j'éclaterais en 1000 morceaux. Poussons pas la blague trop loin. Vous connaissez le proverbe. Prenez garde que la farce ne gâte la saveur du poulet. Poulet? Je suis moi Gilly! Gilly l'intraitable, Gilly le Toulonnais, Gilly le cruel, Gilly le seul! Vous échauffez là, vous forcez. Je force moi? Va te laver, va te faire réfrigérer. Pas plus tard que ce matin, quand la fourgonnette s'est amenée, elle me venait droit dessus, comme la vaca quand elle débouche dans le soleil avant les piquets d'or. Le capot de la fourgonnette me touche le ventre. J'enregistre la chaleur du radiateur. Je ne bouge pas! Une statue équestre! À pied, l'arme correctement pointée. Ils ont l'air de vouloir avancer. Moi, dans l'angle de leur pare-brise, en haut, à droite, je colle un dindrin. Pan! Comme affranchissement, ça suffisait. Ils ont compris. Oh, mon vieux, ils sautent par terre, ils se trissent sans réclamer. J'embarque dans ma 403, le sec plombé. Banco pour Gilly. Ouais. Oh, vous faites de votre mieux. 11 500 000 francs dans l'espace vital de 3 minutes 15 secondes. Bon, ça sort pas de l'amateur. Hein. Toute l'avenue Jeanne d'Arc se pissait dessous de la peur. Oh, ça pue l'amateur, le débutant. Attends un peu que je te retrouve, chenille de Cagarelle, racleur de bordereau, attends un peu. Non, mais cher monsieur, tâchons de nous comprendre. Mes critiques ne portent pas sur le coup lui-même. Non, mais un chef-d'œuvre, là, tout à fait d'accord. Mais sur vos efforts, dans un rôle qui, pardonnez-moi, ne vous va pas. On voit le rôle de Gilly, du grand, du vrai, de l'indéfrisable Gilly. Écoutez-moi bien. Les 11 500 000. Si je vous les étalage, là, si vous les voyez, si vous les touchez, vous vous rendrez? Vous ne direz plus que je bluffe? Vous proclamerez mon honnêteté? Amateur, moi. Tchoum! Allez-y, dans le sac, ouvrez le sac. Qu'en penses-tu, nous pouvons? Au point où nous en sommes, qu'est-ce qu'on risque? Beaucoup. Eh, beaucoup d'argent. Farfouillez, le fils de sa mère, il vous en supplicie. Non, mais il transporte des briques dans son sac, ma parole! Mais une brique, deux briques, trois briques, huit, neuf, dix, onze... Blaise, mon amour. Mais qu'est-ce que nous allons faire de toutes ces briques? Ah, mais ce qui s'impose, évidemment, c'est de payer d'abord ce que nous devons. Ouais, finissons donc, il n'est pas à vous, cet argent. Ma famille, toujours, considéra les dettes comme la lèpre de l'honneur. Dis donc, chérie, j'y pense. Oui. Les factures acquittées, il nous restera plus de 3 millions. Mais cet argent n'est pas à vous! Cet argent n'est pas à vous! La morale, la loi! Je crains qu'il n'ait raison. Quoi? Le restituer? À lui, non, bien sûr, non. Je téléphone au celluloïd. Oh non! Monique, enfin, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, méchant! Oh, ces belles briques qui me fondent dans les doigts! Tant que je ne les avais pas vues, je m'en moquais! Mais maintenant, elles ont traversé notre vie! Bon, ben, se lamenter n'a jamais remis la troisième patte d'un canard. Les briques, dorénavant, les briques, nous les fabriquons! Nous les fabriquons? Quoi, de la fausse monnaie? Un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras. La clinique d'intoxication... Ça recommence. Ne faites pas votre hypocrite. La clinique d'intoxication est une source de briques. Pardon, mais une mine. Quoi? Une mine d'or. Mais réfléchissez. Les gens se battront pour que vous leur injectiez dans le cabochon le cinéma, le carrosse du couronnement, l'héroïsme batailleur, l'érotisme décoratif, des filateurs du Nord et des rajas du Sud. Nous engraisserons pour que vous les amusiez d'une misère provisoire qui les esserve là. Mais que veut chacun? Se dépouiller de l'habitude d'être soi, donner sa chance à l'un des possibles, inclus dans la panoplie du germe personnel. L'idée est séduisante. Mais de qui vient-elle? De vous, docteur. Ça, je vous cite mot pour mot. Oh, des idées, vous en avez tant. Non. Vous me les enfoncez. Et vous deux, je suis là. J'hésite à me lancer sans avoir essayé sur le vif. Sur le vif? Oui. Bon, bah, tant qu'à ça, nous essayons avec lui. Ah oui, mais sommes-nous dans la légalité? En Amérique, les vaccins sont essayés sur les forçats. Non, mais tout ce qu'il y a d'officiel. Maître Benkaïd, je vous défends de vous approcher, ficelé comme je suis. Je vous défends, le saucisson ne se tabasse pas. Bon, n'ayez pas peur, je me dispose à vous dévisser les pédicules. Si vous touchez à mes pédicules... Non, mais vous vous emballez pour un mot. Des mots comme ça? Les pédicules circonscrivent le trou vertébral où passent les nerfs. Les nerfs? Alors, en vous aérant les nerfs, en vous dilatant le tempérament, je permets à votre nature de s'épanouir dans un renouveau qui vous surprendra. Vous charmera. Vous délassera. Pour être à votre place, certains donneraient gros. Mais auparavant, mon ami, tâchons de circonscrire celle de vos tendances caractérielles que vous aimeriez voir émerger de l'obscur bric-à-brac. Ce que j'aimerais rentrer dans mon pèse et puis me barrer. Non, mais dans votre personne, vous avez bien une marotte dissimulée, hein? Une rêverie qui rêve de prendre corps, une confuse espérance qui souhaite aboutir. J'assortirai le traitement mécanique d'une légère décharge. Non, juste quelques ampères. Oui, alors, on s'y met? Si les circonstances m'ont contraint à choisir la carrière de malandrin, les bonnes manières ne se lasseront jamais, jamais de me faire languette, comme à Toulon l'ont dit, de m'aguicher. Nous le tenons, votre péché mignon. Vous êtes un homme du monde. Mais vous êtes un homme du monde qui n'attend que l'instant pour arracher son loup. Vous croyez? Mais oui. Vraiment? Remarquez, je sais qu'on doit dire je m'en souviens et non pas je m'en rappelle. Ça, quoi qu'il arrive, je m'en rappelle. Ah bah bravo, bravo. Oh, de même, vous en avez de ceux-là qui vous sortent comme ça mon bon souvenir à votre dame. Des parpaignasses. On doit dire comment? À votre dame, couillon. Mon bon souvenir à votre femme. Mais quand oui. On est bien élevé. Vous êtes sur la bonne voie. Ne décrochez pas. Pensez très fort à tout ce qui est monocle. Oui. Monaco. canard à l'orange, archiduc, Monterland. Je m'en vais vous étirer l'épine dorsale, juste quelques centimètres, de façon à donner le plus d'espace possible à votre personnalité. Oh, je voterais une statue à cartouche. Je voterais, car lui, cartouche, fort bon ou pas, c'était un gentilhomme, un garçon tout à fait chic, pas trivial pour un sou. Tandis que l'affaire Stavisky... Oh, l'affaire Stavisky, quelle horreur! Cette mixture de politique et de finance, l'hypocrisie de l'éloquence associée aux odeurs de cuir de la Sûreté Générale. Moi, pour être franc, je me console mal de ne pas avoir reçu la jarretière des augustes mains grassouillettes de l'impératrice Victoria, à une époque où la poésie des contes de fées persistait dans les cours souveraines, dont le palissandre astiqué au lion noir dans les salons de la haute société réfractait l'éclat. Quoi ? Ça craque. Ça sera le parquet. Ça craque même drôlement. Il est en bois du Nord, il craint la chaleur. Ça craque de plus en plus fort. Ça viendrait pas de moi, des fois. Quelle idée ! Les escadrons de la princesse s'impatientent, les sabots raclent le pavé. Manteau bleu doublé de blanc, capuchon cramoisi, tels des chevaliers de la jarretière, l'uniforme que parachève un béret ouvert. Mais regardez-le ! Mais il est terrifiant, il se multiplie, mais il se développe. Vers le repos de l'air. Ah ben, vous, ça va, dans cette tuyauterie, je me perds. Mais vous blanchissez, vous pâlissez. Il doit y avoir une panne. Comment une panne? Le satin herbu des terrains de gaz. Une panne à l'envers. Ah, l'interrupteur. Oh non, ne m'interrompez pas, l'interrupteur n'enclenche plus. Oh mon Dieu. Quand je pars pour la chasse avec mon épagneur. Le prospectus. Comment le prospectus? Oui, vite, le prospectus. Mais je ne sais pas où il est, le prospectus. Le prospectus. Vous êtes trop lent, je ne sais pas. J'ai fini par tourner la clé dans le bon sens. Il n'est pas mort, au moins. Il bouge plus. Oui, mais il serait mort, il ne transpirerait pas tant. Oh, j'ai eu chaud. Détachons-le. Oh, il manque pas de charme de près. Regardez, il les ouvre. Oh, je me demandais comment il les avait. Noisette, il les a. Doucement. Ah, allez. Là. Là. Doucement. Voilà. Un pied. Allez. Là. L'autre pied. Allez. Voilà. Voilà. Comment vous sentez-vous? La tête. La tête? Quelle tête? Votre tête à vous. Ma tête à moi. Là-haut, elle vole. Oh, l'espiègle, oh, la frivole. Elle me nargue. Tu devrais rougir, coureuse. Rougir, tu devrais. D'où c'est que vous sortez? Qu'est-ce qui se passe? Mon assistante, nous considérions votre avenir dans une perspective modifiée par la vertébrographie disloquante associée à l'électronarcose monophasée. Monophasée, monophasée, vous êtes docteur. Oui. J'étais venu pour... Mais certaines nuances m'échapperont toujours, ne serait-ce que la différence entre le consommé Pompadour et le velouté du Barry. Le potage, j'ai beau me le clapoter dans les joueuses, me leur pisser dans les oreilles, rien à chiquer. Les maîtres d'hôtel, si ça les arrange, ils peuvent m'apporter du Burry pour du Pompadour. J'avale, et ça la fout mal. Au Majestic, ça la fout mal. Il retombe, c'est net, il retombe. Ah, vous êtes arrêté trop tôt. Mais taisez-vous donc, il est pire qu'avant, elle ne valait rien, votre idée. La clinique, en tout cas, nous l'aurons, je la veux. Laissez votre pantalon, espèce de saligot, devant une femme. Elles en voient tellement. Mais rajustez-vous tout de suite et fichez-moi le camp. Vous m'entendez? Fichez-moi le camp. J'en ai soupé, moi, de vos histoires. Blaise, attention, vous allez faire une boulette. Qu'il tire, le résultat surprendra chacun. Bon, eh bien, vous l'aurez cherché. Quoi? Comment? J'y me présente, Paron Frumpelpet. Vous tenez dans les mains, docteur, non une mitrailleuse, mais un vaporisateur en matière plastique, licence écossaise, fabrication luxembourgeoise, très appréciée des enfants. Vous venez d'arroser la pièce d'inoffensive parfumerie. Pff, sinistre abruti, guignol infect. Ça pue, en effet, on se croirait chez le coiffeur. Monique, qu'est-ce que tu as? Mais tu ne te sens pas bien? On ne dit rien. Oh, cette odeur! Oh, laisse que je m'y baigne ainsi qu'en quelque écharpe! Oh, odeur! Toi qui rassembles douceur, délicatesse, bonté! Oh, je te congratule! Ah, la douceur des étables, lorsque tinte la cloche suspendue sous la poitrine de laitière. Ah, la délicatesse des prairies fourragères le matin, quand l'alouette Lulu passe en criant « Dis-lui, dis-lui !» La bonté de la forêt, la grosse maman qui ne chasse les renards ni les chasseurs. Ah, tu pervoles pochi, mondar, monsa, camirne, la tout d'osrotage au pizzam, sous-dormir. Sous-dormir, mais qu'est-ce que tu bafouilles? Ah, ni vos, ni je ne sais pas. Une écume de sève fraîche monte du passé de mon sang. Ah, pochi, viscrupo. Elles exbriment la Merlin, quoi. L'auteur qui est foulé fou, l'auteur crie, c'est un print, jusqu'à déterminer, barfois, une éruption polyglotte, je dirais même philologique, des brefs turés. Vous êtes encore là, vous? Et j'ai m'excuse, oisans de mille voix, pour tes boutonnages, ainsi que vous les constatez que j'avais derrière mon pantalon un second pantalon, à vrai dire le premier moralement et à brebrement parler, le fauta-mandal, d'où dans l'aine pleut des brousses trigotées au point des hongries, d'où j'ai-t-on, avec la touple et bande mauvanza d'un turc. Si des plus j'enlève cette veste des sports de chez Chonchonchinette, vous vous affiserez qu'est des sous, j'ai porte la glorieuse d'Onyx au mont à droite, rangé des sept boutons, les aiguillettes de ces dermines par des doulips des métals, en souvenir de la victoire que nous remportâmes sur nous-mêmes, châtisse en nous résignant à faire la paix avec la Néerlande après qu'elle nous eût dégrasés. Au ciel, la tunique de gala des hussards de la Merlingue, le régiment personnel de la princesse Augusta. Frumpelpet. Quoi? Comment? J'ai mes présentes par au Frumpelpet. Mais t'as pour mon doubon, donnez-moi tes nouvelles de madame votre mère. Vous la connaissez donc? Qui ça? Ma mère, tiens. Moi, parlez-moi du monde. Mais s'il en est ainsi, pourquoi me parlez-vous d'elle? Dans la diplomatie, nous employons volontiers de ces formules strictement mélodieuses qui trahissent notre état, je veux dire notre métier, sans tout devoir rien révéler des secrets que nous transportons. Vous êtes dans la diplomatie? J'ai là mes documents. Passeport universel, certificat du Gué d'Orsay, y va de soi. Je vois. Bon, d'accord, admettons. Mais si vous vouliez me parler, fallait-il vraiment que vous vous déguisiez? Oh, baron, vous prendrez bien une tasse de thé. Augusta! Silence! J'appelle la bonne. Vous ébranlez la dère. Mais à quoi rime tout ce carnaval? Vous n'aviez qu'à venir. À notre entrée dans la guerrière, on nous enseigne à la voix les casques et les masques, les ganons et les fantailles, l'ultimatum et les salamalecs. Ultimatum salamalec, ultimatum salamalec. Franchement, monsieur Filoupette. Frumpelpette! Paron Frumpelpette! Vous ne me ferez pas avaler qu'il était indispensable de vous faire passer pour une bonne femme d'ici. Pardon. C'est bonne femme, c'est moi. Vous? Gilles Agréé, Gilles Agombosé. Et le bandit, Gilly, vous allez me soutenir aussi que vous le composâtes. Mais parfaitement. Gilly vécu le temps que vous m'avez cru, lui. Et la fourgonnette attaquée. Vous y étiez, non? Alors, camarade, mou. Mais la radio pourtant affirmait. La radio dit ce que l'homme lui fait dire. Et les 11 500 000? Là, je vous tiens. Nous les considérons comme à nous, ne serait-ce que pour nous désintéresser de tout ce tintouin. Vous retrouvez la raison? Elle a raison, nous les gardons. Désolé de vous mégondander. On viendrait chez vous vous éplucher les azerolles sans contrepartie? Regardez les débris, vos millions, regardez-les. Oh, allez-y, vous. Moi, sa voix me fait peur. Non! Oh, les salauds! Les billets ne sont imprimés que d'un seul côté. Dessus, quoi! Dessous, rien, le papier blanc. Sous Erabour, en négligeant leur valeur artistique, ces billets sont des véritables tableaux. Van Gogh, pour ne citer que lui, Van Gogh n'est peint que par devant. On ne connaît personne qui peigne par derrière. Oui, eh ben, vous pouvez vous en empaqueter le bourgeon. Oh, mais quel désastre, quel malheur! Et moi qui me flattais qu'avec tous ces millions, nous aurions aménagé les deux pièces du haut pour les enfants. Nous n'en avons pas, vous me direz, ma femme. C'est à cause de l'argent, toujours le même refrain. Oh, mais j'aurais tant voulu que mes enfants soient installés comme des princes. C'est toi vous dire que depuis 3 mois, vous avez à votre service en qualité d'épaule son Altesse Augusta Honorine Stéphanie des Cornembourg la Merlingue, princesse héritière du royaume auquel j'appartiens, marquise de la Moselle, cousine des Napoléons, paronne du pape et prétendante de Bédrolifère en Roumanie. La princesse, notre bonne? Ah ben elle est bonne, elle est bien bonne. comment la princesse en arriva-t-elle à s'y placer comme servante. Longue, longue histoire, qui toutefois tient en quelques notes des musiques. Oh, votre cantique national arrêté par pitié. Le subir à jet continu me donne des crises de foi. Ainsi mieux que Gigong, vous comprendrez que la princesse en avait... Elle en avait marre, allez-y. Au comble de l'énervement, ma noble maîtresse planta la famille et batterie. Affamée d'oupli, de silence, des recueillements, elle vint dans la province française se cacher, se dérer. C'est ainsi qu'elle domba chez vous. Mais le roi, qu'est-ce qu'il a dit, votre roi, lorsqu'il s'est aperçu qu'elle avait mis les voiles? Le roi considère qu'une esgabade, plus elle se prolonge, plus elle tourne à la fuite, à la déroute. Comment rattraper la princesse? De gonzer avec votre gouvernement fut préparée la rencontre d'aujourd'hui. Dans un quart d'heure, la princesse est accueillie en grand tralala par votre ministre du Trésor, l'archevêque, le général commandant et le paysan préfet. Devant votre porte attend un garros automobile aux armes de la monarchie. La princesse y prendra place. La princesse est censée arriver par la route incognito, ou plutôt incognita, tata. Or, donc, en ma qualité des messagers bléniboudancières, j'ai mes transbordes à l'instant auprès de sa grâce, afin de l'inviter, tortre du roi, son père et son souverain, à faire son deux fois, elle est à la cuisine, naturellement. J'ai gonné les chemins. Catastrophe! Une catastrophe! Elle ne marche pas. Je n'ai plus qu'à me faire sauter les caissons. Elle ne me laissa pas aller jusqu'au bout de mon propos. Allez-vous-en, ne m'embêtez pas. J'ai ma soupe à bronzer. Oui, aïe, oui, aïe, oui. Allô, Frampelpelt, mon cher colonel. Les commandants des Lesgordes m'appellent du tabac d'Agodé. Tant et minutes, je sais. Mais laissez-moi parler. Son Altesse n'y marchait pas. Elle refuse. Comment que j'ai mis tes prouilles, je foutrais foussi. Dans la cuisine, elle se barricada. Barricada. Cada. Cada. Da. Moi ? Il n'y a que vous qui puissiez me dire aider là. Puisiez ou pouviez, n'importe. Je vous en supplie. Oh, mais lâchez-moi, mais lâchez-moi. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Hache, fissage, palcon, perron, tout se prête, tout goncourt. Moment. Où voulez-vous en venir ? Mademoiselle fera la princesse. Fera la princesse ? Elle jouera les rôles de la princesse. Oh, mais discutez pas. Je vous dégore. Que voulez-vous me dire? Qui dans sa visera que cet exquis jument n'est pas la princesse? Dès lors qu'au crépitant orgueil de la grinière juvénile, j'annexe la splendeur garantie de ce diatème de coltium incrusté des pierres roses 14. 14? Et des perles fines 32. 32? Oh mon Dieu! La robe des grands soirs de la princesse vous ira comme il irait à la princesse si ces robes eût été commandée pour vous. À d'autres termes, vous avez la même garrosserie. Comment c'est qu'elle tient? Vous me demandez comment elle tient? Quand face au tessir des hommes, vous naviguez fantepou, le tessir des hommes, la blague contre fou. Oh. Et de ce qu'il émeut les clous de girofle et de votre boitrine, ce désir barre achève le mystérieux accrochage de l'étoffe. Que l'est d'autres barres, Gelgugolivigé tintant. Monique, ne vous laissez pas embobiner. Oh, fichez-moi la paix. Oh, ça, jamais je n'aurais pensé que jamais j'aurais, je ne dis pas mis, mais vu, rien que vu, quelque chose d'aussi beau. C'est là, le devant. Guenon, pardonnez-moi, ça, c'est le tout. Monique, mais vous n'avez pas 15 ans. Provincial. Ce décolleté, dites, mais il va jusqu'où? Oh là là, j'en ai le vertige. Il a atteint à coup sûr le centre de la terre. Oh. Allons, fit, enlever ça. Oui. Et ça aussi, t'es oui. Péché fou. Vous, là, vous allez fort. Ne vous tourmentez pas, nul ne voit rien, je suis défunt. Mais précisément, précisément. En tant que maître de la carte Europe, chapille et jeté sa pigue la royale famille de plein trois. Allô, colonel, tout va comme sur des roues. Tout est arrangé, la princesse est rendue à mes raisons. Merci. Piat, cliclin minutas. Gaumont, clini clini minutas. Piat. Nous te sentons. Et les bas, je garde les miens. Les bas collent, les souliers collent. D'où collent? Monique, ma petite Monique, vous m'épouvantez. Oh, ben, l'histoire du monde doit continuer, même si cet idiote fait la tête dans sa cuisine. Mais on découvrira la supercherie, c'est forcé. Le barouf, alors, le scandale. Ne restez pas dépoitraillés, mettez ça sur vous. Cette mèche, permettez-moi, parfait. Vous persistez, mais bon sang, cette fille n'est pas... N'est pas quoi? Je ne suis pas quoi? Rêver, on croit rêver. Rêver, ne pas rêver, la différence, où t'on? Nous sommes brés. Oui, oui, oui. Allons-y. Oh, j'oubliais l'indispensable. Oh, ben, en effet, la robe. Et non, le discours, par discours. Jupiter, le discours. Un petit exercice sonore par faveur. Oh, rien ne pouvait davantage me convenir que d'avoir à représenter mon auguste père à cette cérémonie qui, en dépit du caractère aride, économique et douanier de son objet, n'en vise pas moins à rapprocher nos deux contrées que ne séparèrent jamais que des mésententes cordiales. L'accord qu'ont élaboré nos experts constitue un véritable tunnel. Par ce tunnel, dans un sens comme dans l'autre, se précipitent dorénavant des vagues de confiance et de sympathie. Elle a la foi de ses cuisses. Oh, d'une finesse, d'une élégance, d'une fraîcheur. Encouragée par vos applaudissements, je vais m'ouvrir à vous tous, mes amis. Sans doute, dans la princesse que je suis, certains déplorent la survivance physique et visible d'un passé que les idées libérales détruisirent petit à petit. D'autres me plaignent, n'est-ce pas? Mais oui, une princesse pour eux, languit sous une carapace de contraintes, surveillée à tous les instants, obligée d'être là, payant de sa personne. La princesse paiera chaque fois qu'on lance un croiseur. Or, une princesse n'est pas plus une momie qu'une victime. Non, j'ajouterais même qu'elle n'est pas une princesse, forcément. Foufou, c'est carré. Les trompettes, quick pronto schnell. Il n'est que temps, que temps. Ben, et la robe, la robe. Vous la passerez dans la voiture. Comment ça, dans la voiture? Une familiale avec jalousie, tout l'espace qu'il faut, 2 m 40 sur 7. Augusta! Non, princesse! Sérénissime! Venez, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais comment m'excuser. Il y a dans l'existence de ces circonstances qui vous assoient. Quand même. Un homme comme vous, qui connaît le périoste et l'arthritisme, ça m'agace de voir qu'on se moque de lui. On se moque de lui? De vous, oui, plutôt. Pas dans ma position, je ne devrais pas me permettre de la ramener. Mais me retenir, c'est dur. Parlez, princesse, parlez. Princesse. Mais vous avez quoi dans les yeux? Du couscous? Princesse. Mais c'est elle, la princesse. Elle, pas moi. Vous l'avez pas encore compris? Moi, princesse. Mais elle qui? Votre femme, tiens. Monique, la princesse? Vous l'ignoriez. Oh, ne me faites pas rire. Enfin, je dis votre femme, remarquez, pour me montrer polie, mais vous n'êtes pas mariés tous les deux. Hein? Vous n'êtes pas mariés. Les princesses, c'est comme les boniches. Quand ça les démange, elles ont besoin de quelqu'un. Mais le mariage, pardon. Le mariage, c'est une autre paire de têtes d'oreiller. D'abord, vous l'avez rencontré comment? Tout débuta par le plus grand des hasards. En d'autres termes, le jardin du Luxembourg, sur la terrasse des reines. Je me trompe? Sur ses parents, vous savez rien. Ah, ils sont de Billancourt. Vous les avez jamais vus. Monique, si simple, si directe, presque vulgaire quelquefois. Vulgaire, non. Différente. Étrangère, quoi. Je ne peux pas croire. Bah, et lui, Frombelbed, le reconnaître, lui, vous n'allez pas me dire que c'était calé. Chaque semaine, il a sa tête dans les journaux. Comptez 3 mois qu'il serpente autour de chez vous. La princesse y court après depuis des années. Maintenant, il l'a. Reconnaissons qu'ils ont manœuvré comme des chefs. Mais si moi, je ne suis que la bonne. Oh, je me plains pas, noter mon destin et mon destin. Il y a quand même beaucoup de travail. La cuisine, les courses, la porte. Je ne suis que la bonne. Permettez-moi cependant de vous dire, oh, soyez fort, vous me le promettez, que la princesse, vous la verrez plus. Chérie, adorable chérie, ma gélinotte bigarrée, je veux maintenant que vous sachiez. Quoi ? Oh, dites. Que je suis heureux. Heureux ? À cause de quoi ? Mais... De votre efficacité. Non, ne soyez pas modeste, la maison brille, tout est net. Vous êtes heureux, dites-vous. Votre servante vous en félicite. Moi, je ne sais pas le goût qu'il a, le bonheur. Ma parfaite amie, une servante, une domestique, vous... Mais quoi d'autre, s'il vous plaît ? Mais une intelligence, une... Une serviabilité. Je pars. Vous partez ? Je pars pour toujours. Je regretterai certes cette place, pourquoi le cacher ? Je vous estime trop et je ne me méprise pas assez pour souhaiter que se poursuivent nos rapports actuels. Mais vous êtes folle. Mais je ne veux pas que vous partiez. Je suis prêt. Je suis prêt à vous augmenter. Fixez-vous même la somme. Oh non, n'insistez pas. Enfin, vous m'imaginez seule ici, sans vous. Au fait, la part patronale, vous êtes tenue de la verser tout entière le dernier mois, même si je vous quitte avant le 31. Elle est trop gentille. Celle qui me succédera, qu'elle rende à l'épicier les bouteilles vides consignées. Je vous le rappelle, 40 francs. 40 francs. Curé, maire, notaire, aujourd'hui dimanche, tout est fermé. Demain, j'entame les démarches. Demain, il fera jour et vous serez ma femme. Comment ? Ma femme, vous serez ma femme. Oh, monsieur Glapion ! Oh, monsieur Glapion, c'est à vous que je le dois. Oh, béni, béni soyez. Tu y tenais qu'on se marie. Je préférais le contraire. Le contraire ? J'aimerais mieux, moi, te le demander. Ah, mais vas-y, demande-le-moi. Je te le demande. Si j'y tenais, mais comme à la racine de mes yeux. Pourtant, ce que tu m'as torturé, tu ne te décidais pas. Ce fameux dimanche, tu te souviens. Le matin, comme tous les dimanches, tu partais à la chasse. Moi seule ici, je te voyais comme si tu étais près de moi. Non seulement je glapionnais, mais je glapionnais sur le glapionnage. Ce que j'ai pu t'en raconter. Je te cassais les pieds avec mes rêveries cliniques, princesse. Je te refabriquais de ne penser qu'à toi. Et toi ? Moi, pareil. Tu ne pensais qu'à toi ? Je pensais à toi, vraiment. Partout, mes regards traçaient ta fumée. Au sommet des herbes luisantes, tu flottais. Sous les arbres, tu te déshabillais dans l'éclair imprévu de quelque étang sournois. Une fille qui vous occupe équivaut à l'immensité. En même temps, il n'y a rien de plus simple, de plus souple, d'aussi pratique, commode, portatif. Oui. Pourquoi dis-tu oui ? Je n'ai rien dit. Tu allais dire. Mais tu ne sais pas ce que j'allais dire. Qu'est-ce que j'allais dire ? Tu le sais bien. Oui. Ah oui. Oui. Oui. Des gorgerins, tu en as combien ? Des gorgerins ? Des soutiens-gorge, quoi. Oh, ce que ce mot peut me déplaire. Des soutiens-gorge, combien j'en ai ? Oui. J'en ai un ? Ah, mais sur toi, sans doute, mais dans tes armoires. En des tas ? Nous gagnons assez pour que je me venge de la période où je ne possédais comme trousseau que l'épiderme de mes fesses. Lingerie féminine justifierait un chapitre particulier de l'anatomie générale. Je n'entends rien à ces instruments délicats. Celui d'hier soir se croisait dans le dos pour se dénouer par devant. Aujourd'hui, je m'écrase les doigts sur un crochet. Ne blâme point ce qui de dur et de rétif retarde ta main, qui va donner tant de douceur à la douceur de ma poitrine. Comment ça s'ouvre, bon sang ? Débrouille-toi tout seul, mon Pascal adoré. Une fois pour toutes, j'ai Blaise pour prénom. Oh, Blaise. Les lèvres s'amollissent. Pascal. Au contraire, ça fait géomètre. Inventeur. Ça fait cerveau. Ah, j'ai trouvé le truc. Tu vois? Ta nuque vibre sous mes ongles. Mais tes cheveux poussent trop bas. N'oublie pas de te faire tondre. Enferme-moi dans tes bras. Ta joue se creuse. Ta bouche, dans son dessin, se purifie. Tes paupières se ferment lentement. De tes paupières, sur ton visage, descend une vague rose. Rose comme la mer à son extrémité, le matin, sur les plages de sable. Elle lave ton visage de tout ce dont la vie le marque, forcément, de médiocre et de banal. Dans la franchise de l'offrande, ton visage est celui de la déesse, tout à coup. Tunnel. Précipice. Mon Dieu. Un arbre avec des branches, des feuilles. Beaucoup de feuilles. Beaucoup. Et dans les feuilles, le bateau, le navire, doré. Oh, Blaise. Blaise. Captive, délivrée, satisfaite, à jamais. Oh, viens, viens, pour la première fois, l'homme et la femme se baigneront chacun dans la clarté de l'autre, pour la première fois, depuis que sur le sombre profil du sol, ils apparurent comme deux arbres tremblants de liberté. Viens, je te convie au firmament. Augustine, vous êtes là, Augustine? Ma chère, je vous salue bien. Ben oui, c'est moi. Je rallie le bord plus tôt que prévu, beaucoup plus tôt. Notre battue s'est déroulée au bistrot. Un bistrot pas cochon du tout, d'ailleurs. À l'entrée de l'Argentville, sur la départementale 63. Et vous, Augustine? Ben, montrez-vous, bon sang. Monsieur... Monsieur, j'étais en train... Bien, bien, bien. C'est dimanche, le patron n'est pas là, les heures sont à vous. Quelqu'un vient vous voir, vous n'allez pas le recevoir dans la cuisine. Hein? Pour commencer, vous lui montrez l'appartement, on bouquine, on ouvre la radio. Et à ce propos, ma petite Augustine, permettez-moi de vous dire que vous jouez gros jeu. Il n'est pas normal, il est même 100% malsain. Que vous passiez votre dimanche à remâchouiller les morceaux de beignets de cervelle que vous pêchez au hasard dans des volumes qu'il ne convient d'aborder qu'en compagnie de quelqu'un de compétent. L'effet glapion, c'est trop calé pour vous. Mais quelqu'un me guide, quelqu'un me conseille. Absent, présent, il ne me quitte jamais, jamais. Ne bougez pas. Non, mais... En somme, dès que je tourne les talons, la panthère me saute dessus. Hein. Pas mon genre de dramatiser, je tiens pourtant à m'expliquer franchement. À la bonne. Oh. Excusez-moi, c'est involontaire. J'apprécie votre zèle, votre dévouement. Vous êtes rapide, intelligente, et comme physique, très acceptable. Oh, vraiment, vous trouvez? Que vous songiez à vous caser et que vous misiez sur moi, je ne serais pas assez bête pour vous le reprocher. J'admets volontiers que vous ne feriez pas plus mal qu'une autre comme maîtresse de maison, mais il ne faut pas m'en vouloir si je me tiens à carreau. Allons, ne faites pas cette binette, j'ai tout de même quelque chose pour vous. Pour moi? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Du lactagil, un sédatif qui n'abrutit pas. Ce soir, un comprimé, pour vous décompresser. Mais il s'ensuit que si vous persistez à me fourrer dans votre micmac délirant, je me verrai contraint, non sans regret, je l'avoue, de renoncer à vos services. C'est clair? Pour éviter que nous en arrivions là, le toubib ordonne à la charmante Augustine de profiter de son dimanche, désormais. Mais comment? Ben comment, comment, comment? Allez donc au cinéma. Les films sortent aussi vite qu'à Paris, même avant des fois. Dansez. Fréquentez. Ben faites-vous des amis. Ben, un, d'ailleurs, suffit. Enfin bref, distrayez-vous. Ça tombe bien, vous entendez? Mais où vont-ils? Après la cérémonie de l'hôtel de ville, la princesse se rend au château de Sully d'où s'évada Jeanne d'Arc, dont Voltaire partagea la chambre. Bah, dis, 3 siècles plus tard, il la partagea. Venez donc voir, c'est amusant. Ah, tout ce panache, tout ce fer-blanc. On se croirait à Waterloo. Et je t'étincelle, et je te trompette, et je te chatoie. C'est la voiture de la princesse, vous la voyez? Entre les chevaux, c'est elle. Avancez-vous. Avancez-vous. Ah, tout de même, on a beau dire, ça vous cogne au cœur, tant de gloire accumulée. L'histoire personnifiée, la tradition. Ben, qu'est-ce qui se passe? Un embouteillage? Ben, il y a pourtant assez de gendarmes, mais ma parole, le cortège s'est arrêté. Monsieur devrait enlever sa veste de chasse. On a sonné. On a sonné? Ben, j'ai pas entendu. Vous romancez, vous inventez. Vous devancez la réalité. J'ouvre. Faut bien, sorcière. Faut bien. Capitaine Frumpelpet, aide de camp de la princesse Augusta. Juste devant votre seuil, la princesse éprouva soudain que ça n'allait pas. Nous requérons votre concours d'homme médical. La princesse? J'arrive, j'arrive. La princesse elle-même arrive. On la transporte. Elle est là. Is Bosinyeb Changor. Stion Drouf. Comme souplesse. Let pourrir crossit. Medico comes. Comes medico. Comes. Dans ma chambre. La princesse dans ma chambre. Mettez-la sur mon lit. Sur mon lit. Oh, mais je vous connais par les journaux. Ah non, non, non, je vous en prie, j'en ai plein le dos jusque-là, des photographies, des journaux. Oh, mais la gloire, que voulez-vous? La gloire, une bande de charognards qui ronge mes sentiments jusqu'à l'os. Désormais, je me moque de ces trafiquants de physionomie. Si je rencontre une personne femelle qui me séduit, je n'hésite pas à l'embrasser. Je n'hésite pas, surtout quand par le nez, par les yeux, par l'âge, par les cheveux, elle me rappelle une glorieuse maîtresse. Monsieur! Quoi? Qu'y a-t-il? À la musique, à la politique, à l'éloquence, l'hymne, le discours, le traité, la princesse n'a pas résisté. La princesse vient de trépasser. Oui, le cœur, le cœur. Silence! Ravalez cette stupidité! Vous commettez une erreur! Une erreur? Sauf en cas d'attentat direct, flagrant et saignant, une personne royale ne peut pas, non, elle ne peut pas mourir en pleine cérémonie! Mais la mort pourtant! La mort à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'est? Une maladie comme les autres. La mort se soigne. On en revient. Massez, frottez, piquez. Remuez-vous. J'y songe. Et l'électricité? Qu'est-ce que vous en faites? Je tenterai tout, mais je ne garantis rien. Je vous ordonne le maximum. Oh, Blaise! Blaise, ne me quitte pas! Publiquement, officiellement, la princesse se porte mieux que jamais. Non. Gloire, louange et fidélité à la princesse! Augusta! Ah non, Blaise, viens, j'ai peur, j'ai peur! Désormais, vous m'appartenez, vous êtes à oh, moi. Laissez-moi, vous m'épouvantez. Vous me détruisez, Blaise. Blaise, il n'y a plus que nous deux. Oh, garde-moi, toi seul, mon mari. Viens! Après une halte avenue Jeanne d'Arc chez un médecin de la ville, la princesse Augusta visitera les environs d'Orléans, conformément au programme de ses historiques journées. Ce chevreuil ressusciterait un guillotiné. Quant au homard, il était comment déjà? Nivernaise. Ah oui, Nivernaise. Je m'en lèche les oreilles. Notre cordon bleu, va-t-elle à côté, n'est qu'un bleu. Oh, vilain flatteur. Vous reprendrez un peu de fine, capitaine? De la fine et l'hygiène. En buvant, on devient buveur, la tête s'en ressent. Or, la tête, moi, c'est ce que j'ai de plus léger. Cette légèreté, docteur, cette fragilité... Vous en portez la responsabilité. Moi? Ah oui, vous. Et vous aussi, petite madame, vous aussi. Comment? Nous quittons tellement à vous, mais comment pouvez-vous... Ça, je vous accorde qu'en me plaignant de vous autres deux, j'ai tout du sale pignouf, du grognon crasseux, du caillou, du râleur. Mais il y a toujours un os en large, un poil de travers. Comment, mais c'est... Non, il ne s'agit pas de cuisine. Ah, mais dans ce cas, qu'est-ce qui ne passe pas? L'année dernière, ce dimanche... Oh non, écoutez, non, nous n'en sommes pas sortis de tout le repas. Si nous reprenions tout du commencement... Oh, non, vous plaisantez. Moi, plaisanter? C'est vous qui me fichez en caisse. Un homme quelconque la trouverait mauvaise. Quand cet homme quelconque est en plus un gendarme, la vacherie augmente d'au moins 12%. Non, écoutez, franchement... Non, laisse. Bon, ce dimanche, ce fameux dimanche, une cliente a sonné. Je l'ai reçue 5 minutes. Bon, qu'est-ce que je raconte? 2 minutes, pas plus. Le temps de lui dire que le docteur était à la chasse. Personne d'autre n'est venu. Réfléchissez. Un interrogatoire, ma parole. Non, je suis restée seule jusqu'à son retour. Attendez. Vous êtes venu. Vous croyez... Parbleu. En admettant où serait le mal. En principe, ça crie pas que vous tentiez votre chance, rien ne s'y opposait. Monique n'était pas encore ma femme. Toutefois, vous vous doutiez bien qu'un jour ou l'autre... Non, permettez, comment pouvais-je supposer? Et plus tard, vous êtes revenu, déguisé en bandit. Déguisé en bandit, moi? Mais oui. Je ne suis que dans l'exercice de mes fonctions digestives. Vos paroles, sinon, pourraient vous coûter gros. Non, mais calmez-vous, mon vieux, calmez-vous. Non, maintenant, écoutez-moi. Vous prétendez à 12 mois de distance trier les événements, mettre dans un sac ceux qui se sont produits, dans un autre sac ceux qui auraient voulu se produire. Vous entreprenez un sacré boulot. Vous-même, à l'instant, vous aviez oublié, non? Comment s'y reconnaîtrait-on? Quand chaque tête interprète et modifie à sa façon la comédie générale que tous ensemble nous jouons. Cette comédie, n'allez pas la chercher de préférence du côté des bizarreries, des singularités. Sa substance... C'est l'existence. Nous baignons dans l'effet glapion. Nous flottons et nous trempons dans le grand glapionnage glapionneur universel. Brave capitaine, inoubliable Gilly, rutilant front pelpette, serrons-nous la main. Et toi, Monique, ma princesse pour la vie, en gage de ta présence fut-elle comme le reste en trompe-l'œil? Donne-moi un béco de velours, jusqu'à demain matin. Le Théâtre populaire de juin 44 vient de vous présenter, dans une production de Maurice Bertrand, L'effet Glapion, une comédie de Jacques Audiberti. Jacqueline Gauthier était Monique, Robert Murzeau, le capitaine de gendarmerie et les autres personnages, Roger Crouzet, Blaise, Valle Valdi, la voix de la radio, et Anne Laurent, la récitante. Prise de son, Jean Pantaloni. Collaboration technique, Jean Parantoine. Bruitage, Henri Saint-Georges. Assistante de production, Claude Massé. Réalisation, Roger Dattis.